Le suffrage universel des bêtes. De contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le suffrage universel des bêtes à Alphonse Karr. Un beau jour, fatigué de l'état monarchique, les animaux, signant un contrat solennel, décrétèrent la République et le suffrage universel. Universel selon la formule française, c'est-à-dire parfaite égalité des droits. Pour l'animal immonde et pour le fils des rois, pour l'âne et le lion, pour l'aigle et la punaise, on peut supposer que plus d'un, pour capter à son gré la vile multitude, se fit courtisan et tribun. Les deux mots ont toujours impliqué servitude. Nombreux furent les candidats, beaucoup parlant beaucoup, et point ne parlant pas. Quand on examina les titres, on songea d'abord aux meilleurs. Mais la majorité des cuistres, des bélitres, porta ses recherches ailleurs. Le tigre et le lion, comme souche royale, par conséquent rivales, furent mis d'abord à l'écart. Ainsi de la panthère, ainsi du léopard. Le sanglier est un sauvage qui n'accepterait pas le mandat de servage. L'éléphant est trop gros. Le coq est trop petit. Le loup a beaucoup d'appétit. L'ours est un paysan. Il manque de manières. C'est un indépendant qui vit dans des tanières. Le renard est habile. Oui, mais renard, dit-on, a trop d'esprit et de finesse. Le paon, trop de fierté. Le singe, trop d'adresse. Le chien est un ami de l'homme. Le mouton, pour le vêtir, se laisse tondre. C'est un niais, un clérical. Il ne lui manque que de pondre. Quant au cheval, on le tua d'un mot. C'est un noble animal. Bref, les impératifs écartèrent d'avance ceux qui représentaient la force, l'élégance, l'affection ou la bonté, le talent ou l'indépendance, l'habileté, l'utilité, l'esprit, la grâce, la finesse, la vertu, la beauté, la fierté, la noblesse. Ils élurent donc le baudet, le cochon, l'oie et bilboquet. Fin de Le suffrage universel des bêtes, enregistré par Margot.